بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Sur quoi s'interrogent-ils ? Sur le grand événement, objet de leur controverse. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Eh bien, ils sauront, et ils sauront bien. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. N'avons-nous pas fait de la terre un lit et implanté les montagnes comme pieux de fixation? N'avez-vous pas vu que nous vous avons créé en couple, que nous avons fait de votre sommeil une détente, de la nuit un voile qui vous couvre? Du jour un moment d'activité vitale, et que nous avons édifié au-dessus de vous 7 cieux fort solides, que nous avons éclairés par un flambeau éblouissant. Et que nous avons fait tomber des nuages accumulés une eau abondante, afin de faire pousser des grains, des plantes variées et des jardins touffus. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. Le jour de l'arbitrage est une échéance fixée, le jour où il sera soufflé dans la trompe. Et vous vous présenterez par vagues successives. Les portes du ciel s'ouvriront alors de toutes parts. Les montagnes s'écrouleront, devenues un mirage. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. L'enfer demeurera aux aguets, destination finale des outranciers, là ils demeureront durant des myriades. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Ils ne goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis une eau bouillante et purulente. Juste sanction de leurs méfaits. Ils ne pensaient pas qu'il leur serait demandé des comptes. Ils avaient renié obstinément nos signes révélés. Or, nous avons tout consigné dans notre livre. Il leur sera dit, savourez donc. Nous ne ferons qu'augmenter votre supplice. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Quant aux hommes pieux, ils auront un séjour heureux. De beaux jardins, des vignobles, des épouses jeunes et de même âge, des coupes bien remplies. Ils n'y entendront ni futilité ni mensonge. Jazaa'an min rabbika 'ata'an وَقَضَاءً حِسَابًا. Récompense est donc bien déterminée par ton Seigneur. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Maître souverain des cieux, des terres et de tout ce qui est entre les deux, le clément, Ar-Rahman, à qui personne n'ose s'adresser sans son autorisation. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Quand l'esprit et les autres anges se dresseront en rangée, personne ne dira mot sans y être autorisé par Ar-Rahman le Clément, et ne dira que ce qui est juste. C'est le jour de la vérité, que celui qui le veut bien cherche la voie du retour à son Seigneur. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Nous vous mettons en garde contre un châtiment imminent, le jour où chacun fera face aux conséquences de son œuvre, le jour où le mécréant dira « Ah, que ne fussais-je poussière !»